Nous allons commencer ce matin une étude de la parole de Dieu qui va nous emmener à réfléchir sur quelque chose qui est assez, de mise dans notre vie de tous les jours, dans notre société aujourd'hui, qui est vraiment à propos avec ce qu'on est en train de vivre en tant que société aussi. Cette semaine sortie, la liste des membres de l'Église de Mont-Tremblant, j'ai été quasiment surpris de voir que presque toutes les familles de l'Église ont des divorcés dans leur maison. Presque toutes les familles de l'Église. Soit les deux ont été divorcés, soit un des deux a été divorcé, soit avant d'être chrétien ou soit après d'être chrétien. Surprenant, hein? Pour une petite Église comme nous autres, là? Surprenant que c'est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est dans les deux, trois semaines, quatre semaines qui s'en viennent, je pense que ça va prendre quatre semaines, on va regarder la question du mariage, du divorce, du remariage et toutes ces choses-là. Et je ne le fais pas pour qu'on se sente pogné ou coupable de quoi que ce soit, je le fais pour qu'on ait de l'information, qu'on sache qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là. Et probablement dans notre Église, il y a toutes sortes de situations présentement. Il y en a peut-être d'entre nous qui pensent à une possibilité de remariage. D'autres pensent peut-être à une possibilité de divorce. Vous êtes surpris? Moi, je ne suis pas surpris. Une fois, j'étais dans une petite église à La Sarre, on était une trentaine, et dans la même année, il y a cinq chrétiens qui ont divorcé. Je n'aurais jamais pensé ça au début de l'année. Et probablement que ces cinq chrétiens-là non plus n'avaient pas pensé qu'ils le feraient pendant l'année qui s'en venait. Mais ils l'ont fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'étude que je vais vous partager dans les quatre semaines qui s'en viennent. J'étais tellement pogné, une petite église comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec ça? Il y avait toutes sortes d'opinions dans l'église, parce qu'on avait toutes sortes d'arrière-plans. Et il y en a qui disaient, il ne faut pas faire ça, il faut qu'il soit comme ça, puis on ne doit se marier, d'autres ont dit, on doit se marier, d'autres, on devait les mettre en discipline, d'autres, on ne devait pas les mettre en discipline. Il y avait toutes sortes d'opinions là-dessus. Et moi, j'avais mes propres opinions. Et que Dieu merci, il était fausse. que j'ai dû, en étudiant, reviser ma propre position. Je veux dire, c'est donc spécial ce qu'on peut avoir dans notre petite tête qu'on a entendu de n'importe qui, de n'importe où qu'on a lu, jusqu'à temps qu'on ne s'est pas arrêté puis se mettre le nez dans la Bible et dire « Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? » Pas « Qu'est-ce que j'ai entendu là-dessus? » « Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus? » Et vraiment aller, appuyer nos dires sur la parole de Dieu. Donc, je ne vous dis pas de me faire confiance, moi, plus que les autres. Et si je peux vous encourager, faites des études pendant qu'on va y aller, pendant les quatre semaines. Lisez les passages. Je vais en nommer des passages. Prenez-les en note ou achetez le CD. Puis revisez chez vous, regardez, réévaluez ce que j'ai dit. Relisez les textes dans leur contexte, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, les textes, les contextes. Donc, vous pouvez le refaire chez vous, dire, si François s'est trompé, je vous en prie, dites-moi-le. Dites-moi-le. Mais amenez des preuves. Faites-moi pas juste me dire tu t'es trompé. Il faut que vous me disiez pourquoi je me suis trompé. Je ne veux pas juste me dire tu as raison puis vous croire. Je ne vous demande pas de me croire, mais demandez-vous moi de vous croire plus. Il faut avoir des preuves à l'appui selon les Écritures. Hein? Parce qu'entre vous et moi, la seule chose à laquelle on peut fonder notre vie, c'est ces Écritures. L'être humain est tellement tortueux et pourri qu'il peut dire n'importe quoi. Même les pasteurs. Je me souviens toujours de Jacques Marcoux, je vous dis ça parce qu'il l'a dit en public, je n'ai pas quelque chose à cacher. Il était tellement convaincu par rapport au qu'on n'avait pas le droit de se marier si on était divorcé. Bien convaincu, il l'avait enseigné, prêchant son église, jusqu'à temps que sa fille se divorce. Et là, il a trouvé de se rassurer pour réévaluer sa situation. Et il a changé un petit peu son fusil d'épaule. Vous savez, c'est quand on est pogné dedans, hein, que des fois on s'assied et on est concerné tout d'un coup sec, là. C'est facile de dire, tu n'as pas le droit, puis tu es condamné un, puis condamné. C'est facile de dire ça quand on n'est pas pogné dans le bain. Mais nous, on est pogné dans le bain. Donc, c'est quoi, là? Et avant de dire, tu as raison, tu n'as pas raison, tu as le droit, tu n'as pas le droit, je te condamne, Dieu te condamne, soyons sûrs que c'est Dieu qui condamne et non pas nous. Hein? Non pas nous. Donc, on va étudier ça pendant ça. Et donc, si je ne réponds pas à vos questions par rapport à ce sujet-là pendant les quatre semaines, ou pendant les premières semaines. Si vous avez des questions à ce sujet-là, écrivez-là sur un petit bout de papier, donnez-moi-la. Ou mettez-le dans l'offrande, puis ça va me revenir par Marcel. Écrivez-le là-dessus. Ou faites-le, demandez-le à quelqu'un, dites, François, j'avais des questions là-dessus, puis tu n'as pas répondu à ma question. Je vais répondre à la question en m'en allant. Ça se peut que je le réponde en m'en allant dans les 3 semaines. Si j'ai l'intention d'en parler aujourd'hui, on va parler du. On ne peut pas parler du divorce et du remariage sans parler premièrement du mariage. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un mariage biblique. La semaine prochaine, on va voir le divorce. Est-ce que Dieu veut, permet, autorise le divorce? La troisième semaine, on va voir est-ce que Dieu permet le remariage? Et après ça, la quatrième semaine, on va voir le célibat comme choix. Parce que Jésus parle du célibat en même temps qu'il parle du mariage. S'il le fait, je crois que ce serait bon qu'on le fasse aussi. Parce qu'il termine son enseignement sur le mariage, divorce et remariage, en parlant du célibat. Donc, s'il le fait, on va le faire aussi ensemble. OK? Donc, j'espère que ça va être utile pour vous. Ça va être encourageant pour vous. Si vous avez fait des choix dans votre vie qui étaient mauvais, vous le voyez par les Écritures, réglez-le avec le Seigneur, pas avec moi, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Dis, Seigneur, avec les doutes qu'on a fait, mais parce que j'ai fait un mauvais choix dans le passé, et si vous êtes chrétien aujourd'hui, dis, Seigneur, je te remercie de me l'avoir pardonné. Merci de l'avoir pardonné. Parce que bien des fois, on ne peut pas retourner en arrière. Vous savez ça comme moi, on ne peut pas retourner en arrière. Mais on peut se réjouir dans le fait que Dieu nous a pardonné. Je ne sais pas si vous allez voir. Voyez-vous les chiffres? J'ai fait sortir les statistiques sur le divorce jusqu'en 2003. C'est pas facile à voir, peut-être, là. Voyez-vous, c'est en haut, c'est au Canada en entier. Ça se maintient. Ça se maintient entre 70 000, 71 000 personnes qui divorcent par année au Canada. Et le plus haut, c'est ici, là. C'est en Ontario, ici, qui en a le plus. Mais ils sont plus nombreux en la population. Ce que j'ai pu lire, c'est au Québec qui se divorce le plus de monde présentement en Canada. Ce n'est pas surprenant. Quand on regarde ce que notre arrière-plan religieux en tant que Québécois, ce n'est pas surprenant que c'est aujourd'hui qu'il y a plus de mariés. Beaucoup de gens ont resté mariés pendant des années, des décennies, à cause qu'ils avaient peur de la religion, de ce que la religion disait par rapport à ça. Il avait peur d'être excommunié, il avait peur d'être ci, il avait peur d'être ça, il avait peur d'être damné. Aujourd'hui, vu que les gens sont plus croyants ou plus pratiquants, ils se divorcent plus facilement au Québec présentement. Donc, il y en a beaucoup, mais ça se maintient. J'étais surpris de voir que ça se maintient. Je n'ai pas 2004 et 2005, hein. 2005 n'est pas fini, mais je n'ai pas 2004, ils ne l'avaient pas, j'ai cherché partout, ils ne me l'ont pas donné. Mais ça semble se maintenir à peu près. Mais ici, dans ce statistique-là, on ne fait pas mention d'aucune personne qui se sont accotés pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont eu des enfants et qui se sont séparés. On n'en tient pas compte. Parce qu'on tient compte seulement ceux qui ont eu des papiers et qui ont fait un papier de divorce. C'est comme ça qu'on a nos statistiques. Mais vu qu'au Québec et partout au Canada, il y a beaucoup plus de monde maintenant qui s'accote, qui se marie. Moi, je dis qu'on peut multiplier par 2, par 3 ces chiffres-là, sans avoir aucune peur de se tromper. Parce que moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui se sont séparées d'être à côté pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont des enfants, des fois rendus même à 10 ans, 15 ans. Ils se séparent, mais ils n'avaient jamais été mariés. Fait qu'on ne les compte pas dans les statistiques. Mais pourtant, ils font partie, pareil, aux yeux de Dieu, des divorcés. Font partie de Dieu, comme des divorcés. On va voir ça en s'en allant, que ce n'est pas la cérémonie qui nous marie. Ce n'est pas la cérémonie qui nous marie. On pense que c'est ça. Dans nos églises baptistes, quoi qu'on ait fait une erreur à plusieurs reprises, on permet pas, pendant longtemps, on n'a pas permis à des hommes qui avaient été divorcés, même avant leur vie chrétienne, d'être pasteur dans les églises. C'est interdit. Puis ça, je pense que c'est encore de même dans nos églises baptistes au Québec, au Canada. Présentement, je pense que c'est encore de même. Ça n'a pas changé. C'est plus flexible un petit peu maintenant. Mais dans le temps, si tu étais divorcé, mais c'est encore de même. Tu vois, Raymond Guérard, il était. Sa femme est partie, pasteur de Val-d'Or, et automatiquement, il n'avait plus le droit d'être missionnaire avec le comité de la française, comme moi je suis présentement. L'association n'accepte pas ça. Alors, tu as le droit. Elle n'a pas le droit d'aller dire à Raymond, tu ne peux plus être pasteur à Val-d'Or, parce que chaque église était dépendante. Donc, l'église a gardé Raymond comme pasteur. Mais Raymond ne pouvait plus être soutenu comme missionnaire par le Fellowship du Canada, parce qu'il n'accepte pas ça, personnellement. Donc, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est biblique ou pas biblique? Ça, c'est chacun de nous qui avons le droit. Excusez. Donc, la voyez-vous, la mouche? Oui, c'est ça. Je dis, mon nom, les autres. Je peux l'envoyer chez vous. C'est les conséquences d'avoir une porte ouverte. Hein? C'est correct, pareil, pas grave. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va voir quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage, savoir si mes décisions passées étaient selon la volonté de Dieu, les possibilités qui s'offrent à moi maintenant si je suis divorcé, ou si j'ai été divorcé, ou si j'ai divorcé quelqu'un moi-même, les possibilités de me remarier, que devons-nous répondre à notre société qui présentement par rapport au mariage homme et femme, un mariage des gays qui a été voté cette semaine en tant que gouvernement. Le Canada accepte maintenant, reconnaît le mariage homosexuel. Est-ce que c'est biblique? Comment on doit réagir? Comment on peut expliquer à ces gens-là la pensée de Dieu? Parce que vous allez avoir à parler de ça. J'ai eu à en parler de ça. Je vais avoir encore à parler de ça avec des gens autour de nous. Il faut avoir une réponse intelligente, biblique, rempli de respect et de douceur et de grâce envers ces gens-là aussi, parce qu'ils sont comme nous. Tourne avec moi dans Apocalypse. Matthieu, tu as tellement l'habitude de dire Apocalypse, hein? Ça va me prendre quelques semaines à plus dire ça. C'est pas ça, je vais vous montrer. Pas mes notes, je vais vous montrer. C'est ça, ici. Donc, Matthieu 19. Verset 1, on va lire ensemble. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On va arrêter là parce que le restant, on va le voir les autres semaines. Voici des hommes, des pharisiens. C'était qui les pharisiens? Des juifs religieux, quel était leur rôle dans la société juive? D'appliquer la loi, faire appliquer la loi, c'était les enseignants de la loi. C'est eux autres qui enseignaient l'Ancien Testament. Avec les scribes, les pharisiens étaient la crème de la société, spirituellement parlant, religieusement parlant. Tous les juifs regardaient les pharisiens comme le modèle à suivre. Les pharisiens, ça a commencé dans le temps que les Juifs étaient déportés à Babylone. C'est là que ça a commencé pendant ce temps-là. Et c'est eux qui ont pris en charge les synagogues qui ont commencé dans ces pays-là. Parce qu'avant ça, c'était au temple, puis il y avait d'autres formes de formes. Il y avait les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. C'était eux autres qu'on allait pour aller demander la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la loi. C'était eux autres qu'on parlait. Les scribes comme Esdras dans ce temps-là. Les pharisiens, ça a commencé plus tard. Mais ils sont devenus les gens qui interprétaient la loi. Donc, si tu voulais savoir qu'est-ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'un passage voulait dire, tu allais voir les pharisiens. Et les pharisiens demandent à Jésus, « Nous est-il permis de divorcer? » Répudier. N'as-tu ton autre mot que répudier? Répudier, Lucie? Divorcer. Donc, c'est des passages de même qui sont différents un petit peu. Divorcer, répudier, renvoyer. Répudier quelqu'un, c'est renvoyer quelqu'un chez lui. Va-t'en, va-t'en, je ne suis plus avec toi, je te répudie. T'as affaire à français courant? Renvoyer, tout de suite, c'est le mot renvoyer, répudier, divorcer, le mettre dehors en québécois. On s'adresse la plupart du temps dans la Bible aux hommes par rapport au mariage et au divorce. Parce qu'il n'était pas permis à la femme de demander ça. Elle ne pouvait pas aller devant un sacrificateur et dire, je veux divorcer mon mari. Ça n'existait pas, ça ne se faisait pas. Donc, on s'adresse à l'homme, mais on dit très bien que la parole de Dieu s'applique à les hommes et la femme. Quand Dieu va parler, il va parler de l'homme et la femme. C'est ce qu'il va dire, au début, quand il va parler du mariage et du divorce, il va s'adresser à l'homme et la femme. Et Paul va faire la même chose aussi, dans le Nouveau Testament. Donc, si on prend ça comme ça, dire, Dieu a tant aimé le monde, puis qu'il est venu sauver les hommes, là, les femmes ne seront pas sauvées non plus. J'ai connu une femme qui a pensé ça pendant des années, qu'elle ne pouvait pas être sauvée, parce qu'elle lisait en anglais, dans la King James, qui disait « Men, men, God save all men ». Donc, pour elle, elle n'était pas sauvée. Il y a quelqu'un qui a dit, non, il a montré un passage, il dit « Vous serez mes fils et mes filles ». Elle se convertit. C'est bizarre, j'aurais jamais pensé d'évangéliser quelqu'un avec un tel passage. Mais c'est ça qu'elle avait besoin d'entendre, que Dieu était mort pour elle aussi, pas juste pour les hommes. En tout cas, toutes sortes de blocages, des fois, dans la vie de quelqu'un. Notre compréhension du divorce, du remariage, dépend de la compréhension qu'on a du mariage. Aujourd'hui, à cause qu'on a une mauvaise compréhension du mariage, mais nos gouvernements, notre société, nous en tant que personnes, en tant que non-croyants, ou en tant que, des fois en tant que croyants, nous allons prendre des mauvaises décisions face à notre mariage. À deux reprises, pendant que je consultais des psychologues, à deux reprises, on m'a encouragé à divorcer, à me séparer. Parce que c'était pas, pour eux autres, c'était la solution possible. Et à deux reprises, j'ai dit, je suis chrétien. Et en tant que chrétien, ce n'est pas une solution pour moi. As-tu commencé ça? Donc là, j'expliquais pourquoi ce n'était pas une solution pour moi. Donc, puis une fois, c'était un conseiller. À Mobilise, on a consulté ensemble une fois un psychologue. Et ils nous ont dit, ouais, mais c'est peut-être bon de vous séparer, si vous n'êtes pas capable de vous entendre. Vous pensez que j'aimerais ça de moi et Denise, hein? Ben oui. Ça arrive dans toutes les maisons. Toutes les maisons. Mon garçon, une fois, il m'a dit, « Père, tu ne devrais pas te rester avec maman si vous n'entendez plus. » J'ai dit, « C'est bien, je n'ai pas cette solution-là pour moi. Je suis chrétien. Et je sais que ce n'est pas ça le meilleur pour moi. Ce n'est pas ça le meilleur pour ta mère non plus. » Toute ma chair disait que ce serait la meilleure solution. Mais l'Esprit de Dieu qui était en moi disait, « Ce n'est pas la bonne solution. » Ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Vous allez être encore plus malheureux tout à l'heure. Vous, la chair me disait c'est ça la bonne solution. Mais Dieu disait c'est pas ça la bonne solution. Et là, ça dépendait à qui je mettais ma foi, n'est-ce pas? Je mets-tu ma foi dans l'Esprit de Dieu qui est en moi? Ou si je mets ma foi dans mes sentiments, dans mes pensées? Quelle est la meilleure solution? Je ne suis pas en train de dire là, qu'on n'a jamais le droit de divorcer. On va le voir sans s'en aller. Mais ce n'était pas une solution pour moi dans ma vie à ce moment-là. J'ai entendu dernièrement quelques hommes et femmes chrétiens, des pasteurs, qui ont étudié avec moi. J'étais surpris d'entendre dire qu'ils se divorçaient. Des pasteurs d'église, baptistes, à travers le Québec, que je connais. Je n'aurais jamais pensé ça, que ça arrivait dans leur vie. Mais ça l'est arrivé. C'est long. Comment c'est arrivé, je ne sais pas. Pourquoi c'est arrivé, je ne sais pas, mais c'est arrivé. Que celui qui se croit fort ne prenne garde de tomber. Peut-être un matin, vous dites, non, ça ne m'arrivera jamais, ça ne m'arrivera jamais à moi. Attention, attention. Ça peut arriver n'importe quand. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que nous devons posséder une définition biblique du mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? Premièrement, au verset 1 et 2, on a vu le contexte. Jésus a quitté la Galilée, il s'en vient, une grande foule qui suivit, il guérit beaucoup de malades, et les pharisiens l'abordent puis disent, est-ce qu'on peut divorcer? Pour une raison quelconque. D'autres traductions, verset 3 à la fin, pour un motif quelconque. Pour n'importe quelle raison. Ça, c'est bon québécois. En français courant, a traduit assez bon québécois. Pour n'importe quelle raison. Elle a brûlé mes toasts. Ça, c'est une question de divorce. tu as une attitude pour avoir un divorce. Je le dirai pas de même. J'y ferai faire, mais pas de cette façon-là. Parce que la colère excite la colère. Je sais que ça n'a pas du semaine là. Tu as répondu à ma joke, là. Hein? C'est ça. Voyez-vous, c'est pas. C'est, aujourd'hui, moi, si je pourrais être assez fou, je vous encouragerais d'aller vous asseoir dans une cour et d'écouter les raisons qu'on émet pour le divorce. C'est quasiment plus fou que les toasts. C'est quasiment plus fou que les toasts. Oh, notre caractère est plus compatible. C'est pire que des toasts, ça, dit un affaire de même. C'est pareil comme si avant c'était compatible, puis après c'était plus compatible. Qu'est-ce qui a rendu tout d'un coup à vous changer? Votre caractère n'a pas changé. Il était compatible il y a 10 ans, puis maintenant il n'est plus compatible. C'est quoi l'idée? Beaucoup d'hommes vont dire, de femmes, « Ben, je l'aime plus. Je l'aime plus. » C'est pire que les taux, ça. Parce que c'est même pas une raison. Tu ne donnes même pas de raison. Il faut juste dire « Je l'aime plus. » Tu dis même pas pourquoi tu l'aimes plus. Au moins, tu pourrais dire « Je l'aime plus parce qu'elle brûle mes taux tous les matins. » Au moins, tu donneras une raison. Mais là, tu ne donnes même pas de raison. « Je l'aime plus. » Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Je l'aime plus. J'ai plus de frissons. J'ai plus rien. Ce qui se passe. Jésus va répondre à la question. Savez-vous quoi faire que les pharisiens le demandent? Parce qu'ils le faisaient. Ils divorçaient, eux autres, pour n'importe quelle raison. Ils divorçaient pour n'importe quelle raison. Là. Vous savez, regardez la Bible, on va voir, plutôt, Dieu va limiter la folie des hommes et des femmes. Il va limiter leur folie en donnant des règles pour limiter ce que l'homme est en train de faire. Parce que je vous garantis, si on se promenait dans la ville ici, on demanderait anonymement, écrit sur un papier, pourquoi tu as divorcé de ton mari ou ta femme. On aurait toute une journée pour rire des fois. Et d'autres fois, toute une journée pour pleurer. Parce que les raisons seraient aussi différentes d'un à l'autre, probablement. Jésus va dire, quand on lui pose la question, il ne parle pas du divorce, mais il va parler du mariage. Donc, c'est ça qu'on va faire aussi. Il va sauter par-dessus la question, dire, attends un peu, là, avant qu'on parle de savoir si on peut se divorcer, pour n'importe quelle raison, on va regarder c'est quoi le mariage. Et si on a une bonne définition du mariage, ça va répondre automatiquement quasiment à toutes nos questions. Quasiment à toutes nos questions. Il dit que, premièrement, que le mariage est un acte divin. C'est la première chose qu'il dit. Le mariage est un acte divin. Si on veut savoir qu'est-ce que le mariage est, il faut référer à celui qui a inventé le mariage. N'avez-vous pas lu que le Créateur, donc il parle de Dieu, hein? Jéhovah, le Dieu d'Israël. Au commencement, Jéhovah, au commencement, Dieu, l'Éternel, a décrété qu'est-ce que c'était le mariage. C'est lui qui a décidé ça. Je dis souvent à des gens, pourquoi est-ce que tu veux te marier si tu ne crois pas que Dieu existe? J'ai déconseillé à des gens de se marier. Vous allez dire, pauvre François, t'es d'un patate. Et des inconvertis qui m'ont demandé s'ils devaient se marier. J'ai dit, est-ce que tu crois en Dieu? Ils disaient, non, Dieu il n'existe pas. Je dis, pourquoi tu veux te marier? Bon, ça ne donne absolument rien. Parce que le mariage est une institution divine. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Si c'est pas Dieu qui a inventé le mariage, mais à quoi ça sonne? Hein? C'est juste l'être humain. C'est juste notre société. Je ne peux pas me soumettre à ça, je ne veux pas rien faire à ça. Notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle proclame? C'est accote-toi, essaye-les, fais des preuves, je ne sais pas quoi, fais n'importe quoi. Ça coûte bien moins cher, puis ça ne coûte rien, puis on y va, puis on donne toutes sortes de raisons pour s'accoter aujourd'hui. Cette semaine, je recevais un couple chez nous, et c'était un couple à côté depuis 5 ans. Et quand j'étais parti, j'ai parlé avec Denis, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils arrêtent de se marier, là? Et on finit par comprendre ce que Denis ça savait, moi que je ne savais pas, c'est que c'est les enfants du mari. Parce que le mari, le copain, le monsieur, sa femme est morte. Elle est divorcée. Mais lui, sa femme est morte. Et ses enfants ne veulent pas que son père soit marié avec cette femme-là. Donc, il a décidé de s'accoter avec cette femme-là en place, en dehors de la maison paternelle ou familiale. Mais est-ce que c'est une raison biblique? On dit, je ne me marierai pas parce que mes enfants ne veulent pas que je marie cette femme-là. Mais voyons donc. Parce que son point de référence, ce n'est pas Dieu. Pourtant, c'est un catholique qui dit qu'il va à l'église et qu'il pratique. Mais sa référence n'est pas Dieu. Sa référence, pour le moment, c'est ses enfants. Ses enfants, tu ne devrais pas, on ne veut pas. Puis sa fille l'a menacé. Si tu te maries avec cette femme-là, tu ne verras plus jamais tes petits-enfants. Il aurait dû dire, ma fille, Dieu dit, je vais le faire, Dieu dit, tes Dieu est plus haut et plus important pour moi que toi, que mes petits-enfants. Je suis bien triste si je ne vois plus mes petits-enfants, mais je préfère faire ce que Dieu m'a demandé. Parce que la référence par rapport au mariage des hétérosexuels, des homosexuels, des chrétiens, des non-chrétiens, c'est Dieu. C'est Dieu. Et il n'y a pas de loi, on va le voir s'en allant, il n'y a pas de loi pour les chrétiens ou de règles pour les chrétiens et de règles pour les non-chrétiens. Ça n'existe pas pour Dieu. Quand Dieu a donné le principe du mariage, il l'a donné au monde entier, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. Quand il les a donnés, ils étaient tous chrétiens. OK? Parce qu'il l'a donné à Adam et Ève avant qu'ils pêchent. Donc tout le monde était correct. Il a donné ça au monde entier. Il n'a pas dit, voici des lois pour vous autres en étant là que vous péchez. Après, ça va être péché, moi, changer mes lois. Mais non! Quand Dieu a parlé à l'humanité, et il n'y a pas de règlement. Ah ben, t'es-tu marié avant d'être chrétien? T'es-tu divorcé après être chrétien? Ça n'existe pas. En tout cas, selon ma compréhension, ça n'existe pas la différence. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de plus dans la Bible à nulle part. Où ce qu'il dit, si tu n'étais pas chrétien dans ce temps-là, ce n'était pas grave. Non, non. La Bible ne dit pas ça nulle part. C'est un acte divin. Le Dieu qui a créé le monde sait comment l'homme est fait. Il sait comment la femme est faite. Il sait comment cet homme-là et cette femme-là vont atteindre l'apogée ou le but que lui s'est fixé pour eux. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu, au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Ce que Dieu... c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est moi qui donne la règle ici. Un homme va quitter sa famille, il va aller chercher sa femme, ils vont s'en aller ensemble, et ils vont devenir une seule chair. C'est lui qui a établi le mariage. Dans ce verset-là, ici, là, le verset 5, vous avez le mariage selon Dieu. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Dieu n'a jamais donné plus que ça. Il n'a jamais donné plus que ça pour le mariage. Il n'a pas parlé de ministre de culte, il n'a pas parlé de pasteur, il n'a pas parlé de rien de ça. Dieu a juste dit, l'homme va quitter son père et sa mère, il va aller s'attacher à sa femme, ils vont devenir une seule chair. Voilà. C'est ce que Dieu a dit. On aura juste ça, ça suffit. Pour te dire, c'est quoi le mariage? Attention de ne pas mélanger les traditions humaines avec le mariage de Dieu. Il ne faut pas mélanger les deux. Aujourd'hui, des fois, on a mis la cérémonie plus importante que le mariage. Des fois, on se marie même en église. Je l'ai vu dernièrement. Ils sont mariés en église, ils ne croient même pas en Dieu. Ils n'ont même pas invité Dieu à aller en mariage comme témoin. Mais ils se sont mariés dans l'église. Donc, le mariage, il y en a qui se marient auprès de justice. Mais Dieu n'est pas là pour eux autres dans leur tête. Mais il est là, mais Dieu n'est pas là pour eux autres. Et Dieu n'est pas le témoin de leur acte. Mais c'est Dieu qui a déterminé. L'homme va quitter son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et Dieu n'a jamais parlé du mariage après ça. Il en parle. Oh, quand les hommes commencent à être fourrés, là, les femmes aussi, là. Mais lui, il n'a jamais changé son idée là-dessus. Là. C'est pour ça que Jésus, des milliers d'années après, Jésus, quand il vient parler du mariage, il cite Genèse 1, verset, chapitre 3. Genèse chapitre 3. Au commencement, le Créateur a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, se trachera sa femme, deviendra une seule chair. Il n'a jamais changé son opinion. Même si la société avait changé et qu'on divorçait pour n'importe quelle raison, Dieu n'avait pas changé. Et jusqu'à la fin des temps, Dieu ne changera jamais sa définition du mariage. Dieu n'a pas de si dans son mariage. Voilà, c'est ça. Pour toutes les sociétés, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les âges, Dieu a juste une définition pour le mariage. Donc, automatiquement, ça élimine des mariages homosexuels. Je les mets tout de suite là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, pas à son homme, pas à son autre femme. Ces deux femmes. J'ai dit, l'homme va quitter son père et sa mère et va aller s'attacher à sa femme et vont donner une seule chair. Il me semble que c'est clair. Mais quand on veut changer ça, c'est parce qu'on enlève Dieu de l'autorité qu'il a. Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est plus le responsable. Dieu n'est plus le créateur. On l'enlève. Alors, j'ai entendu cette semaine des gens en appeler à Dieu pour dire qu'il avait le droit de faire ça. J'ai dit, t'as pas lu ta Bible souvent, mon petit gars. Parce que Dieu dit assez clairement. Il n'a pas changé d'idée. Si Jésus viendrait dans le monde aujourd'hui, en chair et en os, hein, il dirait même chose. Hein. Le mariage est un acte ancien, parce qu'au verset 4, il dit « Au commencement ». Au commencement de quoi? De la création, au commencement du monde. Dès les premiers, hommes et femmes, dès les premiers hommes et femmes, les deux premiers, Dieu dit « Voici le mariage, comment est-ce que ça va marcher ». Mais il n'y avait même pas de famille encore. Ils ne pouvaient pas quitter le père eux-mêmes, ils étaient juste tout seuls. Une grande question théologique en passant, parenthèse. Adam et Ève avaient-tu un nombril? Un nombril. Je me suis fait poser ça une fois dans une conférence. Ça m'est toujours resté marqué. On a une grande question théologique, François. Personne ne peut nous la répondre. Je dis, oui, c'est quoi? Moi, j'étais fier qu'il me la pose à moi. Je dis, il faut leur répondre. Il dit, Adam et Ève avaient-tu un nombril? Là, ça m'a pris quelques secondes pour réaliser la question. C'est quoi l'affaire? Moi, ils n'ont jamais eu de parents, donc... Fermons la parenthèse, on revient au mariage. Même si je n'avais pas de réponse à ça, c'est pas grave. Moi non plus, je n'ai pas de réponse à ça. Je dis, mais j'arrive au ciel, si je peux reconnaître Adam et Ève, me regarder le ventre. Mais c'est dès le commencement, dès le premier petit couple, avant qu'il y ait des enfants, Adam et Ève, Dieu donne les lois du mariage. Il n'avait même pas encore. Dieu donne des lois sur le mariage. De certains que les ceux qui vont venir après Adam et Ève, parce que lui, c'est lui qui va faire la chose. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est un acte ancien. Il faut faire attention aussi. La cérémonie n'est pas le mariage. Ce n'est pas la cérémonie qui fait du mariage un mariage. Dieu n'a pas fait. Chaque société, chaque génération va illustrer des cérémonies pour le mariage. Mais ce n'est pas ça qui les marie. Qui ont marié Adam et Ève? C'est Dieu. Dieu a fait une femme, puis il l'a donnée à l'homme. Voilà, c'est ta femme. Adam et Ève, après qu'Ève ait péché, puis Adam aussi, qu'est-ce qu'il a dit? La femme que tu m'as donnée. C'est Dieu qui l'avait mariée. C'était pas le ministre de culte. C'était pas le prêtre, c'était pas le pasteur, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il va dire un peu plus loin. Ce que Dieu a uni, ce que Dieu a uni, les hommes n'unissent pas personne. C'est un acte ancien, c'est un acte divin, c'est un acte ancien. Et au verset 5, c'est un acte de séparation. Premièrement, le mariage, c'est un acte de séparation. Avant d'être un acte d'union, c'est un acte de séparation. L'homme quittera son père et sa mère. Et il va aller chercher sa femme, puis elle aussi, il va quitter son père et sa mère. Et ils vont devenir une seule chair. Donc, on se sépare du milieu familial. Aujourd'hui, j'en vois des jeunes qui se saccotent, ou de même se marient des fois, ils vont rester chez papa et maman. Faites attention si vous faites ça. Moi, je vous dis que moi, je ne vais pas garder mes enfants chez nous comme ça. En tout cas, pas pour longtemps, si peut-être de donner un coup de même qui vient d'abord. Mais c'est bien trop dangereux. J'ai vu des chrétiens proches du divorce à cause qu'ils restaient avec leurs parents. Ça, c'était tellement difficile. Tu sais pourquoi? Parce que le père, il pense qu'il est encore le père de sa fille. Mais plus, c'est plus lui le patron. C'est qui? C'est son mari maintenant. Une femme me dit, une chrétienne, a dit, j'ai dit à mon mari, arrête de descendre voir ta mère quand ça va mal. Sa mère restait juste en dessous. Il n'a jamais arrêté d'aller voir maman quand ça allait mal. Ah, il a parlé avec sa femme. Mais maman avait un gros poids. C'est pas mal de demander conseil à nos parents. Et, mais il faut que ça soit fait avec sagesse, mon ami, avec intelligence. Hein. Parce qu'il faut attention de leur dire comment toi tu fais les choses, parce que c'est pas toi qui vas les faire. Tu peux leur donner un principe biblique. Voici ce que Dieu dit, fais comme tu voudras. Fais comme tu voudras. Dieu, voici ce que Dieu a dit, mais c'est à toi de l'appliquer. Moi, je ne peux pas te dire comment le faire, c'est à toi de l'appliquer. Je ne peux pas marquer dans la Bible, bon, mais il faut que tu t'en ailles aussi loin que ça. Il ne reste pas deux rues, puis trois rues plus loin. Comment je ne peux pas dire ça dans la Bible. Mais sépare-toi. Sépare-toi. Mon garçon s'est séparé. S'est éloigné de sa belle famille. C'est en train de devenir le bordel. On a déménagé dans un autre village. Parce que sa belle-mère était toujours rendue dans la maison. En train de dire quoi faire. Faites pas ci, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Et c'est dangereux, ça. Faites attention. On est appelé le mariage. Si je veux me marier, je dois me séparer de l'autorité qui est sur moi, mes parents. Et je deviens, moi, une autorité avec ma femme, une autorité sur une autre cellule familiale. Je fais une autre gang, une autre cellule familiale. Donc, il faut faire attention pour pas, de ne pas diriger la famille de l'autre. C'est pour ça que, vous savez, derrière chaque feu, non, derrière chaque boucan, il y a un feu. Comment on dit ça? Il n'y a pas de feu sans, pas de boucan sans feu. C'est ça qu'on dit. Pas de boucan sans feu. C'est quand on peut dire, ah, oh, je vais prendre la femme, je vais prendre la femme, mais pas la belle-mère. Vous avez entendu ça souvent? Derrière ça, il y a un petit peu de vérité. Un petit peu de vérité. Il semble que les mamans ont plus de difficultés à couper le cordon que les papas. En tout cas, ça semble être ça. Faites attention que si vous êtes une maman et que vos enfants se marient, ne mettez pas votre nez dans leurs affaires. Vous pouvez donner des conseils bibliques. Mais vous ne pouvez pas leur dire où acheter les maisons, puis quelle sorte de maison acheter, puis combien d'enfants avoir, puis où dépenser leurs argent, puis comment dépenser leurs... Vous ne pouvez pas leur dire ça. À moins qu'ils viennent vous voir en couple, ou tout ça, dire, bon, je voudrais te demander un conseil. Hein. Mais faites attention de ne pas dire comment faire les choses ou quoi faire. Dites-leur juste, Dieu dit de ne pas s'endetter, mettons. Mais il ne dit pas de ne pas acheter ce char-là. Il ne peut pas dire ça, il ne peut pas leur dire non plus. Parce que souvent, on voudrait que nos enfants, en tout cas, je l'ai fait, on voudrait que nos enfants dirigent leur foyer comme nous, on a dirigé le nôtre. Et ce n'est pas vrai, ça n'arrivera jamais comme ça, parce qu'ils ne sont pas vous. Ils ne sont pas vous. C'est un acte de séparation. Okay? Je me sépare de maman et papa, et je me mets dans un autre contexte d'une nouvelle famille. Le mariage, c'est pas juste un acte de séparation, c'est un acte d'union. L'homme et la femme vont devenir une seule chair. On s'unit. Il y a des synonymes, là, s'attacher, hein, il s'attachera à sa femme, vont devenir une seule chair, joindre, comme coller deux morceaux de bois ensemble, et le Corinthiens 7 dit lier, comme lier avec une paire de menottes. Donc, c'est comme avec ma femme, je vais m'attacher, je vais me lier, je vais me joindre, me coller avec la colle Crazy Glue. Et c'est pas séparable, sans briser. Si vous séparez, vous allez briser. Souvent. Oh, vous allez vous séparer, mais ça va briser. Ça va briser des enfants, ça va briser des vies, des couples. Et on en a des séquelles pendant longtemps dans notre vie. Donc, Dieu dit, je veux que vous quittiez les deux, chacun votre famille, et que vous vous attachiez. Pas toujours. Et vous allez devenir une seule chair. Oh, il y a toutes sortes de définitions aussi, une seule chair. Il y en a qui disent que c'est émotionnellement, psychologiquement. Mais je crois que le contexte ici parle seulement que sexuellement. Dieu, dans le contexte, il parle que l'homme et la femme vont s'unir, ils vont devenir une seule chair, ils vont s'unir, ils vont procréer. Parce que le contexte, il parle de la procréation dans Genèse. Il parle, c'est ça que ça parle. Parce que cette union-là sexuelle, c'est l'extrême intimité entre deux personnes. Quand tu es rendu là, habituellement, ben, tu devrais avoir passé les autres stages. De l'amitié, de la fraternité, ce que vous voulez, là. T'es rendu là. Aujourd'hui, on a commencé à l'envers. On commence par la sexualité pour essayer de devenir des amis après. Pas du temps, ça ne marche pas beaucoup. Mais Dieu dit, ils vont devenir une seule chair. Et quand c'est fait, ça, là, ça devrait être fait seulement quand le mariage est là. Donc, automatiquement, le mariage est lié à cette union sexuelle-là aussi. C'est pour ça que Dieu dit, tu ne peux pas faire ça en dehors du mariage. Parce qu'en faisant ça, tu te maries. Tu te maries en faisant ça. C'est comme le baptême, tu nies à Jésus-Christ, je pourrais dire un exemple, là, pour ne pas trop loin. Hein? Le baptême nous unit à Christ, on devient un avec lui. La sexualité, quand on s'unit avec un homme et une femme, on s'unit dans une seule chair et on devient un couple. Et le mariage se fait là, pour Dieu. Tant que tu n'as pas été là, tu peux virer de bord. Okay? Tant que tu n'as pas été à ce point-là, tu peux reculer dans ta décision. Mais quand tu as fait ça, tu ne peux plus reculer. Tu en as pensé de Dieu. Tu t'es uni, tu es devenu une seule chair, tu ne dois plus reculer maintenant. Fait que pense-y bien, mon gars, ma fille. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, on parle de la sexualité dans nos écoles, partout dans la société. On les met des boîtes aujourd'hui pour s'acheter des condoms, puis on les met toutes sortes d'affaires aux côtés parce que protégez-vous! Protégez-vous! Moi, je dirais, il devrait se vendre quelque chose, se mettre sur la tête, sur le cœur, parce que c'est ça qui va se briser, c'est pas d'autre chose. Tu peux attraper des maladies, mais mon vieux, c'est bien moins pire que de briser le cœur. C'est ça que ça va briser tout à l'heure. Et moi, je n'ai parlé avec des jeunes qui avaient passé 2, 3, 4, 5 partenaires avant de se marier. Plus ils en ont rencontré, moins ils ont de chances de rester avec leur marié, avec leur mari. C'est statiquement prouvé. Plus ils vont connaître de conjoints, de partenaires sexuels, avant de prendre un mari, là, de se marier, mettons, ils se marient pour le vrai, là. Leur chance de réussite dans le mariage est diminuée par autant de personnes qu'ils ont connues. Parce qu'ils ont pris l'habitude de régler les problèmes par la séparation. Ça ne marche pas, on se sépare. Ça ne marche pas, on se sépare. Ça ne marche pas, on se sépare. Donc, quand ça ne marchera pas, tout à l'heure, on va se séparer encore. Puis là, il y a des comparaisons. Ah, mais toi, mon autre femme faisait ça, mon autre mari n'était pas comme ça. Hein? C'est une union mixte. Une union mixte, homme et femme. Donc, Dieu dit, c'est un acte divin, c'est un acte ancien, c'est un acte de séparation, et c'est un acte d'union. Et c'est un acte permanent. Ils vont s'attacher. Il dit, l'homme n'a pas le droit de séparer ce que moi, Dieu, j'ai uni. Ce n'est pas le pasteur qui peut vous divorcer, ce n'est pas le juge qui peut divorcer, ce n'est pas personne qui peut divorcer, accepter. Dieu, il dit, c'est moi qui vous unis. La seule personne qui pourrait vous désunir, c'est celui qui vous a uni, Dieu. Il n'y a personne sur la terre. Aucun institut humain ne peut vous divorcer. Il ne peut pas le faire. Parce que ce n'est pas eux autres qui vous ont unis. Ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on signe un papier devant des notaires ou devant des gens reconnus par le gouvernement au Canada, ça c'est au Canada, ailleurs c'est pas ça, mais au Canada c'est comme ça. Fait qu'on leur donne le droit de signer un autre papier pour que ça se sépare. Mais c'est pas ça. Dieu dit, c'est Dieu, c'est moi qui vous ai unis. Et si tu veux te séparer, viens me voir, moi. Et je vais te dire quoi faire. Parce que c'est moi qui t'ai uni. C'est assez fort, hein? Une fois, j'ai marié un couple de non-croyants et j'ai dit, est-ce que vous invitez Dieu à votre mariage? Est-ce que vous voulez que je vous unisse devant Dieu ou juste humainement parlant? Ils ont dit juste humainement parlant. Bon, je vais dire, OK. Je vais jouer mon rôle de proto-notaire. J'ai marié, socialement parlant. Mais je leur ai dit ce que je pensais, ce que Dieu pensait, bibliquement parlant. Ils disent, on n'y croit pas. J'ai dit, correct. Mais j'ai dit, je vous dis ce que Dieu a dit pareil. Et donc, tout à l'heure, si jamais un jour, par la grâce de Dieu, vous deveniez chrétien, vous allez dire, François nous l'avait dit, c'était pas correct. De ne pas inviter Dieu à notre mariage. Donc, si Dieu unit, seulement Dieu peut donner un droit de divorce. Est-ce que Dieu peut séparer deux personnes qu'il a unies? Maintenant, c'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Mais Dieu peut le faire. Il le fait souvent. Comment il le fait? Il le fait souvent par la mort. Je ne pensais pas vous dire, c'est bon, vous êtes réveillé. Par la mort. Par la mort. Puis c'est ça que Paul dit dans Romains 7. Ils sont unis. Mais Dieu peut les séparer par la mort. Quand il fait mourir quelqu'un, il dit, tu peux te remarier. Donc, il donne le droit de se remarier. Donc, Dieu peut séparer par la mort ce qu'il a uni lui-même et dire à l'autre, mais tu peux te unir à une autre personne maintenant. C'est ce qu'il dit dans Romains 7. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie, elle est libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc automatiquement, Dieu il dit, si ton conjoint meurt, tu peux en marier un autre, je te donne la permission. Mais si Dieu avait dit, non, si ton conjoint meurt, tu ne peux pas t'en marier. Ça serait comme ça. Hein, vous savez, certains animaux, ils ne se marient qu'une fois. Ça coûte, on se marie, ça coûte. Ils s'accouplent juste avec un autre pour la vie, pour toute leur vie. Et même si l'autre meurt, ils vont se laisser mourir souvent. Ils ne vont jamais prendre un autre femelle ou un autre mâle dans leur vie. C'est fini une fois. Les animaux le font parce que Dieu les a programmés comme ça. C'est certains animaux. Et l'être humain, Dieu dit non. Si ta femme ou ton mari meurt, tu peux te remarier. Il te donne la liberté de le faire. Donc, Dieu peut le faire. Il peut le faire. Mais on va voir s'il y a d'autres raisons. Que si on puisse nous aider à bien méditer sur ce mariage-là. Le mariage, c'est un acte divin que Dieu a institué dès le commencement du monde entre un homme et une femme. Ils s'attachent ensemble, ils s'unissent jusque dans la chair et ils deviennent un couple, une famille. Une famille quand ils ont des enfants, un couple. Ils sont attachés pour la vie. Ça, c'est l'idéal. Si Adam et Ève n'auraient pas péché, on n'aurait jamais parlé de divorce. Ça ne serait jamais venu sur la discussion. Parce qu'il n'y aurait jamais eu de divorce. Ça n'aurait même pas existé. Le divorce, Dieu va en parler après la chute de l'homme et de la femme. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il dit la semaine prochaine. Notre Père du ciel, merci que tu nous as donné une belle définition claire et simple du mariage. C'est ça que tu... C'est ta volonté parfaite. C'est ta volonté éternelle, sans équivoque, sans changement, parce que tu es un Dieu immuable. Mais tu sais très bien à quel point nous sommes perturbés. Tu dis que le cœur de l'homme et de la femme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seulement toi, Seigneur. Et à travers ces études, nous te demandons que tu puisses éclairer nos cœurs et nos pensées. Parce que nous voulons, même en tant que croyants, nous voulons que tu clarifies nos pensées par rapport à ce sujet. Que tu nous amènes à une plus grande maturité face à notre mariage. Afin qu'on puisse refléter qui tu es. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. OK, au dernier chanter, un dernier petit cantique, si vous voulez bien. Levez-vous. Et on va...